Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h, sur Prune 92 FM. Il est 22h, vous connaissez le deal, c'est l'heure de Boum Boumo. Dernière émission de la saison avec Jim Irie, du collectif et label parisien Disco Matin. Une sélection éclectique et curieuse, parfaite pour présenter la soirée de ce vendredi rond-point, où l'on retrouvera justement Jim Irie aux côtés d'Aimé Jockey. Dès 22h, prix libre, au rond-point donc, à Nantes. Et là vous vous dites sûrement, mais c'est bien beau ça, cette date, mais... Tu viens de dire la dernière de la saison alors qu'on est en avril, Jonas, et effectivement, c'est la dernière de Boum Momo pour cette 8e saison. Merci de l'avoir suivi. Au niveau de l'emploi du temps, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de faire des émissions en ce moment avec notamment l'emploi du temps de Vincent qui a changé. Mais on vous oublie pas et on termine cette saison avec des rediffusions. Donc voilà, on voulait vous remercier toutes et tous pour votre écoute fidèle. Pour la plupart, en tout cas on peut pas vérifier, et pour cette 8e saison. Et on espère vous retrouver très bientôt, en tout cas on vous retrouve pour des rediffusions jusqu'à cette fin de saison. Mais aussi pour cette soirée au rond-point ce vendredi à Nantes donc. Et voilà, on vous souhaite un beau printemps et un bel été à toutes et à tous, et profitez bien. Ciao les petits loups. Jamaïque, on n'entend que cette musique qui te fait vibrer, qu'on appelle reggae. Dans les ghettos de Kingston Street, les gens vivent en solitaire, ils fument l'herbe de la nature pour oublier leur misère. Avec tes nattes et ta musique Rastaman, tu as révolutionné le monde, tu as donné l'espoir à toute une génération. Avec tes nattes et ta musique, grâce ta main, tu es le messager de la paix. Dans ce monde où il n'y a que la violence, tous les jeunes de la Jamaïque veulent être comme toi le magnifique. Ils sont venus de Kingston Street pour entendre chanter cette musique. Ils veulent poursuivre ta voix, pour pouvoir crier à haute voix tant de choses que l'humanité ne veut pas entendre. Avec tes nattes et ta musique, Rastaman, tu as révolutionné le monde, tu as donné l'espoir à toute une génération. Avec tes nattes et ta musique, Rastaman, tu es le messager de la paix. Dans ce monde où il n'y a que la violence, avec tes nattes et ta musique, grâce ta main, tu as révolutionné le monde, tu as donné l'espoir à toute une génération. Avec tes nattes et ta musique, grâce ta main, tu es le messager de la paix. Dans ce monde où il n'y a que la violence. Athéna, c'est ta musique, Rastaman, tu as révolutionné le monde. Tu as donné l'espoir à toute une génération. Avec Athéna, c'est ta musique, Rastaman, tu es le messager de la paix dans ce monde où il n'y a que la violence. Papillon, une illusion qui passe. T'es comme un papillon. papillon, une illusion qui passe. Il est comme un papillon. Que j'ai connu l'adultère, c'était avec la meilleure amie de ma mère. Elle était devenue une vraie femme d'affaires qui gérait les bourses des jeunes célibataires. Allô, tu viens chez moi boire un verre, un aphrodisiaque, une liqueur de vipère. Elle parlait si bien qu'on aurait dit Baudelaire, mais tout compte fait, c'était la nupère. Elle avait des seins de vraies serpillères, rêvant de faire l'amour sur du Yvette Horner. Elle a voulu me faire le coup de la prise de terre, mais qu'on se rassure, pas du tout la jeune. À la fin du mois, j'ai touché mon salaire. Je suis allé en boîte jouer les JR. Près du bar côté water, une bombe nucléaire. Dans cette fille jardinière et de beaux yeux verts. Bonjour mademoiselle, je vous offre un verre. Question préliminaire, je reste exemplaire. Arrivé chez elle, elle propose une affaire. Mais avant de conclure, j'allume la lumière. Elle sourit, mon Dieu, les dents de la mer. Un corps d'enfer à se rouler par terre. Mais avec la tronche de Daniel Gilbert. Blague à part, son petit nom c'était Robert. Yeah. le banquier, je regardais tous les gens qui dansaient. Le soleil était couché et la vie avait recommencé. Oh, ça va zouker dans l'inopézo toute la nuit, c'est la folie. Et ça va zouker autour du piano, car vous verrez, c'est comme ça. Dans la douceur de la nuit, je sens monter le feeling de nos îles. Et la brise tropicale nous amène les sons des tambours du carnaval. Oh, ça va zouker dans l'inopézo toute la nuit, c'est la folie. Et ça va zouker autour du piano, car vous verrez, c'est comme ça. Je l'aime, t'es tout petit. Haïti, la chance. Aïe, je ne pas on nous travaille pour nous, ça je n'a mangé. Égalité, fraternité, justice pour pays. On nous réconcilie. Soudé, nous prions bon Dieu en pile. Je dis garde Jean moyé, garde qui Jean mettez moins doux. C'est très mauvais, c'est très mauvais, c'est très mauvais pour moi. C'est très mauvais, c'est très mauvais, c'est très mauvais pour nous. C'est très mauvais, c'est très mauvais, c'est très mauvais pour moi. Thank you.

aperçu de votre destinée pour l'année à venir. Surtout la cocaïne, du calme, mes amours. For God's sake, vous avez le temps de vous mettre les pieds dans les plats. Évitez toute magouille, allez-y, mollo, keep cool. Yeah. Ah, que de difficultés à vivre et à survivre. Armez-vous de patience, laissez passer l'orage, ma chérie. Tiens, tiens, tiens, l'amour est au rendez-vous. Vous avez un charme irrésistible et vous plaisez beaucoup, bonne chance. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Soyez prudents, mes chéris. Faites l'amour les yeux ouverts et surtout mettez vos caoutchoucs. Feu! Cela détend. Capricorne. Tout n'est pas perdu, voyons. Inscrivez-vous dans une agence de rencontres matrimoniales. Vous trouverez sans aucun doute l'âme sœur, good luck. Verseau. Vous êtes le plus généreux de tous les signes. N'oubliez pas qu'il faut aussi penser à soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Poisson. Riez, ah oui, riez mes trésors. Riez aux éclairs, riez jusqu'à en pleurer, cela déride. Je t'aime. je t'aime, à la folie je t'aime. Je t'aime.